to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture pour ce 14 juillet, le groupe Judas Priest et ce Riding on the Wind des familles. Ce soir, dans l'émission, on aura le guitariste de Blind Guardian, Marcus, guitariste rythmique, en interview, interviewé la semaine dernière sur le festival du Plein Air Fest, qui était superbe en tout point, sur lequel on va revenir. Donc on va laisser parler la musique maintenant avec Danko Jones, Guess Who's Back, sur son prochain album qui sortira à la fin de l'année. Danko Jones pour se mettre en condition. Guess who's back? Me, motherfucker! Take your best shot, 'cause I don't give a damn. And when you realize it, it's gonna make you shake. I know you're gonna deny it. It's gonna feel great. No sleep, Yes, vous venez d'entendre Danko Jones ce soir dans Overdrive. Danko Jones avec Guess Who's Back. L'album sortira à l'automne prochain et s'il est aussi bon que ce premier extrait, ça devrait être super, super sympa. Maintenant, du power metal avec le groupe Bloodbound sorti sur FM Records, Tales from the North. Et on va écouter la prière d'Odin. Odin's Prayer sur Overdrive Radio Duo. Emerge and conquer us. Hear my father pièce Bloodbound tout de suite. Et maintenant, une grosse sortie de cet été sur le label Warner. Ce sera Avenged Sevenfold et son dernier album Life is But a Dream, qu'on envoie tout de suite. Alors l'album fait pas mal parler de lui, il a de très bonnes critiques, et même des personnes qui n'étaient pas spécialement fans de ce groupe américain ont particulièrement apprécié. Faites-vous votre propre avis sur Avenged Sevenfold tout de suite avec cet extrait de Life is But a Dream tout de suite, et c'est sur Overdrive Radio Dio. We'll be right back. Voilà pour Avenged Sevenfold, Life is but a dream, la vie est tout sauf un rêve, excepté pour James Gardner, qu'on va écouter tout de suite. James Gardner, et on retrouve ici l'ancienne chanteuse du groupe Vixen, sortie sur cet album No Strings sur, sur Frontiers Records. Ce sera le morceau Turn the Page, et il ne s'agit pas d'une reprise de Bob Seger ou alors Metallica, puisque Metallica était connu pour avoir repris ce morceau de Bob Seger. Non, ici on a une vraie compo, superbe album de hard rock américain qu'on écoute tout de suite, James Gardner. Yes, James Gardner, Gardner James, Turn the Page, tout de suite extrait de cet album No Strings, sorti sur Frontiers Records. On va passer maintenant à du français avec l'excellent groupe de heavy metal, Furies. Furies, on se rappelle d'eux pour le confinement et le super album Fortune's Gate qu'ils nous avaient offert à cette époque-là. Néanmoins, la chanteuse Linda Bastards ne fait plus partie du groupe à l'heure actuelle. Elle est partie depuis maintenant quelques mois. C'est dommage puisqu'elle faisait vraiment, on va dire, cœur avec la musique de ces franciliens. Donc maintenant dans le groupe, on ne retrouve plus que Elisabeth Bathory et Guillaume Joquet, respectivement batteuse et guitariste du groupe. Et ils nous sortent là un nouveau single sur lequel ils ont une chanteuse italienne qu'ils ont invitée, qui s'appelle Rise and Shine, qui devrait être un peu les prémices de ce qu'ils vont nous proposer pour la suite. Donc on devrait avoir un véritable line-up solide et stable live dans quelques mois. Néanmoins, on peut se mettre en bouche avec ce Rise and Shine vraiment d'actualité, puisqu'on fleure bon ici le Summertime, une chanson légère qui donne la pêche et donne envie de sortir faire un tour dans une décapotable. Voilà, Rise and Shine, de grosses influences Van Halen, etc. Un côté un petit peu hard rock américain sur ce titre qui se marie bien à la musique de Fury. Rise and Shine, tout de suite on a hâte, vraiment hâte d'entendre la suite. I'm here to sit in. Yes, yes, super morceau de Furies Rise and Shine sur le 895 de Radio Dio, un morceau qu'on aurait bien sûr aimé entendre sur le nouvel album du groupe. Peut-être que on aura ça d'ici quelques mois. On va passer maintenant à l'interview de Blind Guardian réalisée lors du Plein Air Fest. C'était la semaine dernière, juste à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry. Et je vais vous laisser en compagnie de Marcus Spiessen, guitariste rythmique du groupe, avec lequel on a taillé un petit peu le bout de gras. Et c'était vraiment super, super cool. Ça sera suivi d'un morceau live de Blind Guardian, le morceau qui a ouvert le concert de la semaine dernière avec Imaginations from the Other Side, sorti sur le live in Oberhausen, sur lequel ils reprennent l'album en entier. Voilà, allez, c'est parti pour l'interview. Recording. Mm-hmm. So, hi, and welcome bonjour to et bienvenue à Lyon Blind Guardian. When was the last quand time était la dernière fois que vous avez joué à Lyon, si vous avez here. Déjà joué à Lyon? Eh bien, tu as raison, ça doit faire une éternité. I mean, la dernière tournée de Blind Guardian remonte à 2017, si je me souviens bien. Et on a été sur la route pendant deux ans et demi. Ensuite, on a eu la petite pause Covid où les tournées n'étaient pas vraiment d'actualité. Et donc, si on remonte à la France, ça remonte à 2016. Je suis dans la scène depuis de nombreuses années et à vrai dire, je ne me souviens pas vraiment d'un concert de Blind Guardian à Lyon. Eh bien, c'est peut-être la toute première fois que l'on joue à Lyon. Et si tu veux mon avis, c'est certainement une bonne chose. J'adore jouer dans un endroit nouveau, puisqu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Lorsque tu as déjà joué 10 fois dans une même ville, tu sais comment les gens vont réagir, comment ils vont répondre à une certaine chanson. Alors que là, c'est nouveau. Votre dernier album, The God Machine, est sorti en septembre 2022, c'est-à-dire il y a bientôt un an. Alors, en retour, avec le recul, quelle a été la réaction des fans et de la critique, et quel est votre point de vue sur cet album? Les retours ont été très positifs. C'est la première fois que l'on publie des morceaux avant la sortie d'un album. Donc les gens ont pu le découvrir petit à petit. Could hear a couple of songs prior to the release, and I guess a lot of people et certaines personnes ont été très surprises, puisque ces dernières années, on avait beaucoup d'éléments orchestrés, d'éléments très progressifs, un côté symphonique. Et avec cet album-là, on est allé dans l'autre direction. On n'est pas vraiment allé à l'ancienne totalement, mais on est allé beaucoup plus vite. On a fait un côté un peu plus trash également, mais ça a bien plu. Et personnellement, on est super content de cet album. Et il vient vraiment à point nommé dans notre carrière. On n'en joue pas beaucoup à l'heure actuelle sur scène, puisqu'on est sur la tournée des festivals de l'été, mais on commence à préparer la tournée de l'album qui débutera à l'automne prochain, autour du mois de septembre. The God Machine was maybe The God Machine était un album un peu plus direct que les réalisations précédentes qui se voyaient plus progressives et orchestrées. Est-ce que ces morceaux sont plus faciles à rendre sur scène? En fait, oui et non. On n'a pas vraiment un orchestre qui peut nous suivre en tournée sur scène. Donc, l'aspect progressif incombe à notre claviériste qui diffuse toutes les bandes et toutes les parties orchestrales sur scène. Mais sur le dernier album, il y a très peu de parties orchestrales. Mais ça ne rend pas ces morceaux plus faciles à interpréter. Certaines chansons sont les plus rapides que l'on ait jamais jouées. Et franchement, c'est pas facile à faire. Mais on est bien préparé. Yeah, I think so far we're doing well. Et on s'en tire pas trop mal. Est-ce que vous avez été influencé par la tournée Imaginations on the Other Side réalisée en 2017-2018? Maybe. Un petit peu, ouais. I mean, obviously, Imaginations, Imaginations is from the Other Side est un album super that, important pour nous. That anniversary shows where we played the whole album, it might have an ça peut être eu un impact pour nous. Mais pour moi, finally, le after, plus gros like, impact a été de sortir cet album orchestral sur lequel on a travaillé pendant plus de 20 ans. And I think during all those years, while et pendant we were toutes ces années, on, on avait stuff, toujours à l'arrière de notre esprit cet album orchestral en tête que l'on ne finalisait pas. Et quand il a été terminé, bah, on a tout simplement eu envie de passer à autre chose. Et on n'avait plus du tout envie de faire de l'orchestral, du symphonique. Donc, on a voulu, alors pas vraiment retourner à ce que l'on faisait à la fin des années 80, début des années 90, mais retrouver une certaine agression, une certaine rapidité, un côté un petit peu trashy dans notre musique. But I guess getting the orchestra pour moi, stuff vraiment, out of finir our systems et sortir un peu de notre système cet aspect orchestral, on ça a été vraiment la plus grosse influence sur le God Machine, notre dernier album. Was it difficult to get back to live shows after est-ce que ça a été difficile de retourner en tournée après les confinements? Yes. For oui, a couple of pour reasons. Plusieurs raisons. Obviously, when we, once we started, the déjà, very first show we lorsqu'on did a repris after, la route, after the lockdowns was the Rock Hard Open Air, on a commencé par le Rock Hard Open Air, qui se trouve really à côté de chez nous. And it was amazing. Et c'était vraiment it was just, super. You know, it was sold out thing with like c'était complet. Or whatever, and we were the headlining band. Et on était en tête d'affiche. On stage. It was so much fun. C'était vraiment un super moment. And a week after that, we did Hellfest. Une semaine France, après ça, on a fait le Hellfest. It was amazing. Et c'était and super. On that night, I caught COVID. Malheureusement, and, ce soir-là, so that j'ai attrapé le COVID. The very first Blind Guardian ce qui a fait que j'ai dû louper le tout premier concert de Blind Guardian de ma carrière. Mais bon, je ne pouvais pas voyager et j'étais tellement malade et fatigué que je ne pouvais même pas tenir ma guitare. Alors que pour ces tout premiers concerts, on était tellement contents d'être sur scène, mais voilà, on a eu des moments où plusieurs membres de notre équipe, du groupe, ont attrappé le Covid. Ça a été un petit peu difficile. Heureusement, tout ça semble derrière nous, puisque personne n'est tombé malade depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. Et on est super contents. Dans quelle mesure c'est difficile d'établir une setlist pour Blind Guardian? Comment est-ce que vous faites l'équilibre entre les classiques et les chansons plus récentes? C'est difficile. Obviously, there are certain songs il y a des chansons que l'on est obligé de jouer, que les fans nous demandent, Valhalla, for example, Valhalla, Mirror. Obviously, you want to play some new songs from the new bien album, sûr, which we tu are veux jouer des morceaux du nouvel album, que l'on incorpore petit à petit de nos jours. Il ne s'agit pas encore à l'heure actuelle de la tournée God Machine, proprement parlé, mais elle devrait commencer au mois de septembre. Some songs that you might have never played live before, or that you didn't play in a very long time. Il y a également des morceaux que tu n'as jamais joué ou que tu n'as pas joué depuis très longtemps. C'est pas toujours facile. Et bien entendu, on prépare toujours plus de morceaux que ce que l'on joue sur scène afin de pouvoir les varier un petit peu. Afin de ne pas tomber dans une certaine routine qui deviendrait ennuyante. Si je devais jouer pendant deux ans tout le temps les mêmes morceaux sur scène, au bout d'un moment, je m'endormirais sur scène. Et j'ai pas envie de ça. Donc, pour nous, pour garder de manière intéressante sur scène, le mieux, c'est de varier un petit peu, surtout si les gens nous suivent et regardent, ne pas seulement un concert. C'est la meilleure solution qu'on ait trouvée. Après que la guerre en Ukraine a été déclarée l'année dernière, l'inflation a connu des taux records, les prix ont augmenté. Est-ce que vous avez été impacté en tant que groupe qui tourne et comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Les prix ont tout simplement explosé. Peu importe que ce soit de louer un bus, de prendre un avion pour faire un concert quelque part, louer une sono, des lumières ou même du matériel pour un concert. Mais le véritable problème, ça a été les premiers concerts après le Covid. Tous les calculs, tous les frais avaient été calculés avec des prix qui étaient beaucoup plus bas, sauf qu'entre-temps, ils ont bien sûr augmenté et ça a été parfois un petit peu difficile. Mais c'est quelque chose que chaque groupe qui tourne sur scène a rencontré. J'espère que les choses vont revenir, peut-être pas comme elles étaient avant, mais au moins que les prix descendent un petit peu. Et il y a aussi le cas des salles de concert qui demandent un certain pourcentage des ventes de merchandising des groupes. C'est un véritable problème. Et le merchandising, bien entendu, est une source de revenus importante pour les groupes qui se développent, qui sont plus jeunes. Et si on leur dit qu'on prend 30% de leur merchandising, ça veut dire qu'ils vont tout simplement tourner à perte. Ils vont perdre de l'argent. Il ne fait pas de secret que Blind Guardian est un groupe plus connu en Allemagne qu'en France. Est-ce que tu dirais que tu dois faire des efforts, travailler un peu plus pour essayer d'obtenir l'adhésion du public en France plutôt qu'en dans ton propre pays, en Allemagne? Peut-être oui, peut-être que non, je ne sais pas trop. Bien sûr, je suis d'accord avec toi sur le fait que Blind Guardian est un groupe qui est beaucoup plus établi en Allemagne qu'en France. Néanmoins, ça ne change pas notre façon d'aborder un concert. On veut toujours donner le meilleur concert qui puisse être, que ce soit devant une foule immense, que ce soit devant dans un club, devant quelques centaines de personnes. Notre approche d'un concert de Blind Guardian est toujours la même, c'est-à-dire on veut toujours être les meilleurs possibles et faire profiter, bien entendu, le public. Obviously, if you're a bigger band in whatever country, it might be easier, but our job. Peut-être que ça rend les choses un peu plus simples, mais notre approche est toujours la même. Okay, so that's any kind of preparation. Est-ce qu'il y a un certain type de préparation avant un concert de Blind Guardian, notamment pour NZ, et comment est-ce qu'il arrive à préparer sa voix avant un concert? He has a very strict routine. Oui, bien entendu, il a une routine très stricte. Il doit s'échauffer 3 ou 4 heures avant chaque concert, et parfois une heure après le concert. So it's a really strict routine. He has his exercise. Il fait des exercices. Et je le sens, il peut vraiment tenir sa voix pendant toute une tournée sans faiblir, et ça aide. Son corps est son instrument, donc il doit y faire attention. Il doit être très strict avec ça. Le seul problème, c'est lorsque tu as ta chambre d'hôtel à côté de la sienne. But yeah, it is. But you know, everybody is. Mais tout le monde dans le groupe est comme ça. Tout le monde s'entraîne et s'échauffe avant chaque concert. Tu dois t'entraîner. Et surtout si tu commences le concert par un morceau rapide, tu as pas envie de monter sur scène et ne pas être à la hauteur. Yeah, exactly. Okay. What's next? So, tour for the God Machine. What about? Alors, quelle est la suite pour Blind Guardian? Est-ce que vous avez quelques morceaux de prévu, un album dans les fourneaux? On n'a pas encore prévu quoi que ce soit. On a quelques morceaux qui sont restés des sessions de God Machine qui n'ont pas été utilisés parce qu'on pensait qu'ils étaient un peu trop différents de ce que l'on avait sur cet album. On les publiera un jour ou l'autre. je ne sais pas quand. Je ne peux pas vraiment le dire. Néanmoins, je pense qu'ils seront utilisés. Peut-être pour le prochain album, peut-être pour des vidéos. On a encore quelques morceaux. Mais à l'heure actuelle, on ne se concentre pas vraiment sur le fait d'écrire de nouveaux morceaux. On est sur la tournée de The God Machine qui débute à l'automne et sur les festivals d'été. Yeah, that's great. Do you think it's very important nowadays to have? Est-ce que tu penses que c'est important de nos jours de garder une certaine régularité dans les sorties du groupe, que ce soit des albums, que ce soit des vidéos, des EP, également, plutôt que de sortir un album, un double album de 2 heures, une fois tous les 5 ans, à une époque où les gens ont une attention qui est de plus en plus courte et réduite peut-être par les téléphones ou les réseaux sociaux. Maybe with singled videos and stuff. Let's put it like this. I think, résumons-le comme ça. Je pense que c'est assez important pour un groupe de rester en contact avec son audience, avec ses fans, que ce soit à travers Instagram, Facebook, YouTube, quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment de manière d'y échapper. Mais quelque chose qui a changé de manière drastique, c'est le degré d'attention des gens. Et les statistiques de Spotify le montrent. Les gens n'écoutent plus que 20-30 secondes d'un morceau avant de passer au suivant. Et c'est pourquoi des artistes pop réduisent de plus en plus leurs morceaux. Mais nous, on n'est pas vraiment là-dedans. Si tu écoutes que les 20-30 premières secondes d'un morceau de Blind, tu n'auras même pas le premier couplet. Et si tu n'es pas là-dedans, tu n'es peut-être pas quelqu'un qui peut adhérer à Blind Guardian, et c'est normal, et c'est OK. On n'est peut-être pas le bon groupe pour cette personne. On ne sera jamais comme ça. On a toujours aimé développer nos morceaux. On a toujours aimé les choses assez bombastiques. Moi, je suis par exemple très fan de Pink Floyd. Et voilà. Donc, voilà, j'aime les chansons très développées dans lesquelles on retrouve beaucoup d'éléments différents. One of those bands that writes 40 second songs. Je ne suis pas un de ces groupes qui écrit des chansons de 40 secondes. You know, as I was saying, the social media aspect is important today. Même si l'aspect réseaux sociaux est important, and stuff like that. On essaye de faire ça également à notre niveau. Very positive feedback about that. People are interested in that. Et les gens sont assez intéressés. You know, like everybody has a cell phone, so you can't. Et maintenant, tout le monde a un téléphone sur soi, donc on peut prendre des choses sur le moment et les publier. Et l'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un message. J'aimerais bien voir l'intérieur de votre bus. Ma première réaction a été de dire, mais pourquoi il n'y a rien d'intéressant? J'y vis dedans depuis 40 ans. Mais peut-être que c'est que les gens veulent magie d'une certaine façon. À l'époque, j'écoutais par exemple King Diamond et jamais je me serais dit que j'aurais pu voir une photo de King Diamond en train de faire un selfie avec sa grand-mère. King Diamond like doing a selfie with his grandma. You know, I have a photo of King Diamond. Et tu sais quoi? J'ai une photo de King Diamond dans mon téléphone où je le vois pousser une poussette et avoir son bébé au bras et être en tenue de scène avec son maquillage. Je me suis dit, c'est assez intéressant. Mais pour en revenir à ta question, cet élément-là est malheureusement disparu. Et retrouver un groupe comme Kiss, qu'on ne connaissait absolument, sur lequel on ne connaissait rien sur les membres, où ils n'avaient même pas montré leur visage, c'est quelque chose qui n'est plus possible à l'époque, tout simplement, des réseaux sociaux où tout le monde a accès à tout le temps. Et cette construction d'une certaine mystique, d'une aura autour d'un groupe, à l'époque des réseaux sociaux, c'est maintenant de l'histoire ancienne. Et je ne suis pas vraiment sûr que les gamins de nos jours soient vraiment intéressés par retrouver cette aura que l'on a pu connaître dans les années 70 et 80. Personnellement, je refuse de partager des choses qui soient trop personnelles sur les réseaux sociaux. Quelqu'un, l'autre jour, m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu ne publies pas des photos de ton, non, de ton fils sur les réseaux ?» Mais j'ai dit « Mais pourquoi tout ceci est pour mon groupe ?» Ça n'a rien à voir avec mon fils. S'il veut faire son propre compte Instagram ou autre, qu'il le fasse, il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est pour parler de mon groupe, parler de ma carrière musicale, de ce que je peux offrir et partager avec mes fans. Et les gens comprennent, mais on a besoin de l'expliquer. Blind Guardian has never tried to Blind Guardian n'a jamais essayé de faire des histoires. So that was never our thing. Ça n'a jamais été notre truc. On aime partager avec nos fans des vidéos, interagir, etc. Mais sans rentrer dans un aspect qui soit trop personnel. Super, merci Marcus pour cette interview. Et encore une fois, merci à toute l'équipe du Plein Air Fest pour l'interview et la chance de parler à Marcus. Voilà, c'était suivi bien sûr de Imaginations from the Other Side en live, extrait de cet album enregistré sur la scène de Harburghausen en Allemagne, sur lequel le groupe reprend cet album en entier. On va continuer avec ce groupe Loud Anonymity qui nous sort cet album Nuance. Le groupe nous vient de la région toulousaine. On est sur un power trio de métal alternatif qui mélange pas mal de groupes qui viennent de la scène des années 90, début 2000, à la fois bien sûr des gros classiques comme System of a Down et d'autres choses plus, on va dire, de niche et françaises comme des groupes comme Psycop. Une très bonne production que l'on a ici et on s'avoue tout de suite le morceau qui s'appelle Note, extrait de cette EP Nuance par Loud Anonymity. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Le groupe Corvius tout de suite dans Overdrive. Radio Duo, c'était enchaîné à Loud Anonymity, Corvius pour du métal mélodique avec cet album Signals et le morceau Light and Shades sur lequel vous retrouvez la chanteuse Cécile Del Pio. Voilà, Metal Blades Records maintenant avec cet excellent trio, le Nuclear Power Trio, qui est sur lequel on retrouve Donald Trump à la guitare. À la basse, ce sera un certain Vladimir Poutine et King John One à la batterie. Ils nous se retrouvent pour jouer du fusion. Voilà, ils nous font de la bonne musique sur laquelle ils s'éclatent. Bien entendu, ce sont des masques. Et sur cet album Wet Ass Plutonium, on retrouve de superbes parties de guitare. Allez voir sur YouTube les clips, ils sont à se poiler de rire. Netflix and Chill maintenant sur Overdrive Radio Dio, une petite bombasserie musicale et visuelle. Yes, il n'y a pas à dire, ce sont bien entendu de sacrés farceurs que ces Nuclear Power Trio, mais on ne peut pas leur enlever que ça joue absolument à mort, à mort, à mort. Voilà, maintenant dans Overdrive, on va continuer avec Incantation qui nous revient sur Relapse Records, Conquer That, The Pact 4, pour tout simplement du death metal. Voilà. On va pas faire chichi et on va faire parler tout simplement sur Overdrive Radio Duo. Voilà pour Incantation, Concord at the Pact 4, sorti sur Relapse Records. Pour tous les amateurs de death metal old school, quelque chose qui devrait les réjouir, ce sera ce Cavalera. Il s'agit des frères Cavalera, bien sûr, Max et Igor, qui nous sortent ce projet sur lequel ils réenregistrent tout simplement les tout premiers enregistrements, albums, démos de Sepultura, bien entendu. Je parle de Bestial Devastation, qu'on va écouter tout de suite. Bestial Devastation, premier enregistrement de Sepultura sur lequel on ne retrouvait pas encore le guitariste Andreas Kisser. Cavalera, tout de suite, bien sûr, une production un peu plus moderne. Il devrait tourner là-dessus dans quelques mois et ça devrait voir le jour très rapidement. Pour l'heure, du côté du Silac Open Air qui aura lieu à Saint-Maurice-de-Gourdan à début août, vous retrouverez Soulfly et non pas Cavalera. Néanmoins, on aura peu de chances de voir des morceaux très différents. Bestial Devastation sur Overdrive, c'est bien sûr maintenant. De quoi écouter, bien sûr, et voir ce dont Igor Cavalera est toujours capable derrière les flux. Thank you. Voilà, on va quasiment se quitter maintenant avec End Rain is Chasing Divinity. On rappelle le www.radiodio.org, on rappelle le www.facebook.com/overdriveradiodio et sur Instagram Overdrive Radio Dio. Tout simplement, les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud également et sur archive.org nouvellement. Voilà, on remercie encore une fois Blind Guardian, toute l'équipe du Plein Air Fest pour leur chaleureux accueil et on devrait avoir de nouvelles interviews dans les prochaines émissions. Donc restez bien nos shows derrière votre tuner. Ce ne sera pas malheureusement la semaine prochaine puisque je ne serai pas tout simplement en France, mais en Suède, en compagnie de Mathias Eklund et de son Freak Guitar Camp. Et je reviens, la besace chargée de plein de musique. Merci, ciao, bye bye.